À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les membres des représentations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture en Corée ont déposé le 6 juillet les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.